à terre, tu les as levés au plafond. Faut regarder les choses en face, y'a rien d'autre qui se passe. Juste une fois, je voulais t'en parler. Juste une fois, je voulais t'embrasser. Debout dehors, il fait froid, c'était quand même mieux dans ton. Y'a toute la vie devant moi, mais derrière moi y'a toute la nuit. Ce soir faut prendre une décision, me laisse pas tourner en rond. Juste une fois, je voulais t'en parler. Juste une fois, je voulais t'en parler.